الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من صار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، يقول الله جل وعلا: الله نجي ووصينا الإنسان بوالديه. Nous avons recommandé à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Nous devons ainsi, ayant les rois, effectuer ce qu'Allah Jalla wa Ala nous a recommandé. En étant bienfaisant envers nos parents, nous devons ainsi accomplir ce qu'Allah nous a ordonné. Tu te dois, ya akhi al-karim, ainsi. Si tu espères Allah Jalla wa Ala, et si tu espères la demeure dernière, ad-dar al-akhira, et si tu espères la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, il t'incombe d'obéir à tes parents. Même s'ils ont été injustes envers toi, va les voir et embrasse-les sur leurs mains et sur leurs têtes. Va les voir et embrasse-les sur leurs mains et sur leurs têtes. Verse tes larmes de tristesse et de regret et ne sois pas orgueilleux envers eux. Ne sois pas orgueilleux envers eux et fais attention à ne pas être orgueilleux même s'ils ont été injustes envers toi. Ibn Omar radiallahu anhuma nous dit: en faisant pleurer tes parents, tu les désobéis. Et Urwat ibn Zubayr radiallahu anhu nous dit: cela ne fait pas partie de l'obéissance des parents, le fait de regarder ses parents d'une façon provocatrice. Le fait de regarder ses parents d'une façon provocatrice. Et certains prédécesseurs, rahimahumullah, nous disent: celui qui marche devant son père l'a certes désobéi. Celui qui marche devant son père l'a certes désobéi. Même sur le chemin, ne marche pas devant ton père, car celui qui marche devant son père l'a certes désobéi. Sauf s'il va devant lui afin de retirer quelque chose qui pourrait le gêner. Tu te dois ainsi de marcher derrière ton père. Et le fait de marcher devant ton père fait partie des désobéissances selon les prédécesseurs et salafus salih. Rahimahumullah ta'ala. Et certains prédécesseurs ont également dit: celui qui fait entrer chez ses parents une tristesse, il les aura alors désobéis. Telle est la désobéissance, ayyuhal ikhwa, chez les savants, chez les prédécesseurs et salafus salih, rahimahumullah. Alors que dirait-il cela s'il voyait notre situation? Que dirait-il ses prédécesseurs et ses savants s'il voyait notre époque et notre cas? S'il voyait le cas de beaucoup d'entre nous parmi les musulmans, parmi ceux qui ont élevé leur voix sur leurs pères et mères, parmi ceux qui se sont disputés avec leurs pères et mères, et certains même ont porté plainte contre leurs parents auprès du juge. Pourquoi cela? Pour un peu d'argent, pour un mur et une maison, et autre chose parmi les biens matériels et éphémères de ce bas monde ad-dunya. Il y en a même qui sont arrivés au point de frapper leur père et leur mère. Wal'iyadu billahi wallahi wal ikhwa. Nous avons entendu et lu dans les journaux que quelqu'un a même tué son père afin d'hériter de lui. Il tua son père afin d'hériter de lui, et un autre a drogué sa mère afin de commettre la fornication avec elle. Wal'iyadu billah. Telle est notre situation, telle est notre époque, ayol ikhwa. Allah jalla wa ala est certes en colère contre cette communauté, car il y a beaucoup de désobéissance, alors qu'Allah nous a recommandé d'être bienfaisants envers nos parents. Wa wassayna al-insana biwalidayhi. Nous avons recommandé à l'homme d'être bienfaisant envers ses parents. Tu te dois, ya akhi al-karim, ainsi. Et là, nous le rappelons, ô vous les gens, ô vous qui plongez dans les bienfaits d'Allah jalla wa ala nuit et jour. Vous devez absolument obéir à vos parents. Et le fait d'être obéissant envers eux, ayol ikhwa, n'est pas seulement d'être souriant avec eux et de leur dire de bonnes choses, mais c'est également le fait de subvenir à leurs besoins en leur donnant de l'argent. Cela ne fait pas partie ainsi de l'obéissance, de manger tout ce que tu désires alors que tes parents n'ont pas de quoi assouvir leur faim. Cela ne fait pas partie de l'obéissance que la table soit remplie de toutes les bonnes nourritures alors que tes parents ne mangent qu'un bout de pain dur et de l'huile. Cela ne fait pas partie de l'obéissance que tu portes de beaux habits alors que tes parents n'ont pas d'habits pour te protéger de la chaleur et du froid. Cela ne fait pas partie de l'obéissance que tu dormes toi et ta femme dans un lit confortable sous de douces couvertures alors que tes parents dorment à même le sol ne trouvant pas de quoi se couvrir. Cela ne fait pas partie de l'obéissance que tes parents ne trouvent pas de quoi se guérir. Cela ne fait pas partie de l'obéissance que tu achètes les plus belles choses de ce bas monde ad-dunya alors que tes parents n'ont même pas de quoi effectuer al-hajj, le pèlerinage, dans la maison sacrée d'Allah. Ainsi, l'obéissance allait aux parents, birrul walidayn ayyuhal ikhwa, est avec le sourire et avec les bonnes paroles, al-kalimu tayyib, mais également en dépensant pour eux. Et ainsi, nous vous encourageons, ayyuhal ikhwa, de dépenser pour vos parents. Et nous sommes certains, malheureusement, de nos jours, qu'il y a des femmes, en entendant cela, qui vont avoir la poitrine resserrée en se disant: c'est moi qui suis prioritaire à cet argent. Mais soyez attentifs, ayyuhal ikhwa. Sois attentif aux toi le fils et l'enfant noble et obéissant. N'écoute point ta femme si elle te dit cela. Si elle ne veut pas que tu dépenses pour tes parents, car le fait que tu sois heureux, ayyul akh, et wallah, est dans l'obéissance de tes parents. Si tu veux que tes parents soient, si tu veux que tes enfants soient heureux, sois obéissant envers tes parents. Wa hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Ainsi tu subiras ce que tu feras. Et wallah, nous n'avons pas vu la punition d'un péché dans ce bas monde ad-dunya avant l'au-delà al-akhirah, telle la désobéissance des parents. Ainsi celui qui désobéit à ses parents sera puni dans ce bas monde avant le jour de la résurrection yawm al-qiyam. Celui qui désobéit à son père, son fils lui désobéira. Celui qui insulte son père, son fils l'insultera. Celui qui humilie son père, son fils l'humiliera. Et la parole concerne les hommes al-rijal et les femmes al-nisa. Wa wassayna al-insana biwalidayhi. Nous avons recommandé à l'homme et l'être humain la bienfaisance envers ses parents. Tu te dois, ya akhil karim, ainsi de laisser une partie de ta paye pour tes parents, venant de ton cœur, afin que tu combles leurs besoins mensuels. Et si vous êtes plusieurs frères, vous devez vous mettre d'accord sur le fait de donner à vos parents une certaine somme afin de subvenir à leurs besoins. C'est comme cela que nous devons être obéissants envers nos parents. C'est comme cela que nous devons les obéir. Et c'est comme cela que nous exécuterons et que nous appliquerons le commandement et la recommandation d'Allah Jalla wa Ala envers nous. Ce n'est pas simplement par la parole et l'apparence. Et wallah, le fait d'obéir à nos parents et à l'ikhwa nous suivra même après leur mort. Même après leur mort, il faut être bienfaisant envers nos parents. Al-Imam Muslim nous rapporte dans son recueil authentique un hadith selon Abdullah ibn Dinar, selon Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma. Il nous dit, un homme rencontra Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma dans une rue de Mecca. Abdullah ibn Omar le salua alors et lui donna l'âne sur lequel il était. Et lui donna le chapeau qui était sur sa tête. Et alors Abdullah ibn Dinar lui dit, nous lui dîmes alors, les bédouins sont satisfaits d'un petit don. Que répondit Abdullah ibn Omar? Cet obéissant à son père qui est Omar ibn Khattab radiallahu anhu lors de son vivant et après sa mort. Il lui dit, le père de cet homme était lié d'amitié avec mon père. Et j'ai certes entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, la plus grande des obéissances est le fait que l'enfant visite la famille des amis de son père. Et dans le recueil authentique d'Al-Imam ibn Hibban avec une chaîne de transmission bonne, Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma est parti visiter Abu Burda et lui dit, sais-tu pourquoi je suis venu te visiter? L'homme lui répondit non. Et alors il lui dit, il y avait entre ton père et le mien une amitié. Et j'ai certes entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire, celui qui lie les liens de parenté avec son père qui est dans sa tombe. Ô celui dont le père est mort, sois attentif, tu peux encore lier tes liens de parenté avec ton père même maintenant. Celui qui veut lier avec son père qui est dans sa tombe, qu'il visite les frères de son père après lui. Qu'il visite ses frères, les frères qu'il avait et les amis qu'il avait dans ce bas monde ad-dunya. Obéir à nos parents et à l'ikhwa est une obligation même après leur mort, en étant bienfaisant avec leurs amis et avec leurs frères. Et également le fait de demander à Allah de les pardonner, s'ils étaient croyants. Dans le Musnad d'Al-Imam Ahmad avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, Allah jalla wa ala élève les degrés du serviteur pieux au paradis Al-Jannah. Et alors il lui dit, Ya Rab, ô mon Seigneur, d'où me vient cela? Et alors Allah, je n'ai pas œuvré pour ces actions, lui dit-il. Et alors Allah jalla wa ala lui répond, cela te vient de la demande de pardon de ton fils pour toi. De la demande de pardon de ton fils pour toi dans ce bas monde ad-dunya. Le fait ainsi que tu demandes pardon en la faveur de tes parents lors de leur vivant, mais également lors de leur mort. Et dans le recueil authentique d'Al-Imam Muslim selon Abi Huraira, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, lorsque la personne meurt, ses actions sont interrompues, sauf dans trois cas. Et parmi elles, un enfant vertueux invoquant Allah en la faveur de ses parents, en la faveur de lui. Et dans la sunna authentique relate également Yolikhwa que l'on peut même donner de l'aumône dans le but que les parents en soient récompensés. Comme ceci a été rapporté dans le recueil authentique de l'imam Muslim selon Abi Huraira. Il dit, un homme vint au prophète alayhi salatu wassalam et lui dit, Ya Rasulallah, mon père est mort. Est-ce que cela lui est profitable si je donne une aumône en ayant comme intention que mon père soit récompensé? Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, Naam, oui. Et dans les deux recueils authentiques selon Aisha radiallahu anha, un homme vint au messager d'Allah et lui dit, Ya Rasulallah, l'âme de ma mère est sortie. Et je pense que si elle parlait, elle donnerait de l'aumône. Est-ce que cela lui serait profitable si je donnais de l'aumône dans le but, quelle est la récompense? Et alors le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit, na'am, oui. Et dans les sunan d'al-imam al-Nasa'i, avec une chaîne de transmission bonne selon Sa'd ibn Ubadah, radiallahu anhu, lorsque sa mère est morte, il partit voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui demanda, s'il donnait de l'aumône dans le but que sa mère soit récompensée, est-ce que la récompense arriverait à sa mère? Et il répondit sallallahu alayhi wa sallam, na'am, oui. Et il demanda ensuite, quelle est la meilleure des aumônes, ya Rasulallah? Et il répondit, donnez de l'eau. Donnez de l'eau. Même le fait de ramener des bouteilles d'eau à la mosquée, ou bien de participer à une œuvre bienfaitrice dans les pays de sécheresse, comme les pays d'Afrique, le fait de construire des puits par exemple, tu donnes une certaine somme d'argent en ayant comme intention de récompenser tes parents, et bien, idhnillahi jalla wa ala, tes parents seront récompensés alors qu'ils se trouvent dans les tombes al-Qubur. Allah Allah, ayol ikhwa, quant à nos parents, Allah Allah, quant à la recommandation de notre Seigneur jalla wa ala envers nous au sujet de nos parents, Allah jalla wa ala nous dit, wa wassayna al-insana biwalidayh, nous avons recommandé à l'homme la bienfaisance envers ses parents, et il nous reste les propos, ayol ikhwa, lors du prochain discours. Quant à la suite du sens de ces versets, si Allah Jalla wa Ala nous décrète la vie et la rencontre, sallallahu alayhi wa sallam wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, je demande à Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms parfaits et ses attributs sublimes qu'il fasse que l'on soit bienfaisant envers nos parents. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité et le pouvoir, et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou oubli ou omission ne peut provenir que de moi ou de Shaitan. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à notre noble messager ainsi qu'à ses compagnons, sa famille, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière invocation est que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.